Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante et la 46e mécanique des ondes, et s'il fallait résumer le parcours de mon invité en une seconde, je dirais A13. Non, je ne fais pas une partie de toucher coulé dans le studio, je parle de l'autoroute A13 qui relie Rouen et Paris, parce que mon invité nous vient de Normandie, où il a fait ses premiers micros pour arriver ensuite à la capitale pour diffuser sa voix sur de grandes radios qui étaient soit en or, soit au cœur de la musique, soit belge et mentholée, et encore actuellement pop-rock. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ce n'est pas de la radio, c'est de la musique. Référence à RTL2 où la voix de mon invité résonne aujourd'hui et musique avec un S, ça va de soi. Mon invité se nomme Pascal Langlois, bienvenue dans la mécanique des ondes. Merci beaucoup, Eddy, bonjour, bonjour à tous. Eh bien bonjour Pascal. Alors comme je l'ai dit, vous avez un parcours radiophonique bien riche, enfin, comme je l'ai sous-entendu plutôt sans trop en dire, parce que je vais vous laisser nous raconter tout ça plus en détail. D'accord. À commencer par le commencement, cette première question, vous êtes actuellement au micro de Fréquence Protestante, une radio associative, est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle des souvenirs ? Ah bah oui, forcément, puisque un petit peu comme tout le monde, j'ai démarré sur une radio associative, mais avant de démarrer sur la radio, j'écoutais évidemment la radio avec mes parents, et qui écoutaient beaucoup RTL dans la voiture, dans la maison, partout en fait. Et mes premières émotions radio, c'était le soir dans mon lit avec les fameuses grandes ondes, donc avec RTL et les radios, les radios périphériques qui fonctionnaient à cette époque-là. Donc j'écoutais beaucoup Max Meynier, etc. Et puis le soir après, un peu plus rock et tout ça. Donc beaucoup RTL dès le départ. Et puis évidemment après, la FM a explosé comme chacun sait. Le boom des radios libres. Voilà, le boom des radios libres. Et comme moi j'étais dans une petite commune en Normandie, donc effectivement. Et par chance, une petite radio s'est créée dans cette commune de Normandie. Et du coup, bah forcément, ça m'a tout de suite intéressé. Mais avant d'y aller, j'ai pas mal écouté. Et c'est mon père qui était là avant moi d'ailleurs. Donc et après, j'ai suivi. Alors comment ça s'est passé justement ? Est-ce que c'est votre père qui vous y a entraîné ? Là, c'était la découverte un peu par hasard ? Bah déjà j'ai été étonné de qu'il ait lui le culot d'y aller parce que moi ça m'intéressait mais j'étais très timide et je le suis encore d'ailleurs. Et du coup bon j'ai pas osé et puis j'avais beaucoup de copains quand même dans cette radio donc un coup une fois j'y suis allé et puis je suis allé voir. J'ai fait un test avec un copain et puis il m'a dit oh bah tu devrais essayer, t'as la voix qui passe bien etc. On fait un petit essai et puis si ça marche ben on te prend et puis tu feras l'émission que tu veux puisqu'à l'époque on faisait un petit peu ce qu'on voulait, on amenait nos disques. Et donc du coup, bah j'ai fait un test et puis ça s'est bien passé. Du coup, on a continué et voilà, j'ai fait quelques années sur cette radio qui s'appelait Andel FM. Alors, au vu du nom, alors on va voir si je suis devin, la commune en question ne serait-elle pas fleurie sur Andel ? Exact. Tu as des noms de devin. Pardon, vous avez des noms de devin. Je sais pas trop si je te tutoie, si je te vous vois. On n'est plus dans le vouvoiement dans cette émission. D'accord, très bien. Eh bien, on vous voit, pas de problème, ça marche. Alors donc, Andel FM, donc, l'aventure a commencé en quelle année ? Je dirais en 84, par là, dans ces eaux-là. Moi, j'étais pas là dès le départ, mais peut-être même avant d'ailleurs, parce que je crois qu'ils ont commencé à émettre 2 ans après la loi, enfin après les autorisations. Donc ça a commencé tout petit, hein, c'était quelques heures par jour seulement. Et c'était sur quelle tranche Ce que je faisais moi ouais. Ou moi je faisais une émission par semaine parce qu'avant c'était un peu comme ça puisqu'on était bénévoles et chacun venait un petit peu comme il pouvait. Donc moi je venais après les cours du lycée et c'était souvent le jeudi en fin d'après-midi 17h quelque chose comme ça et voilà. J'avais évidemment pas mon nom, mon vrai nom, j'avais un pseudo un peu à l'américaine pour faire bien, un petit peu comme tout le monde à l'époque. Quoi, voilà. Alors, comment ça se fait ça? Comment ça se fait? Pourquoi j'avais un pseudo? Ouais. Bon, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, et puis je pense qu'on voulait pas être connu par les gens du coin, disant voilà, on voulait être un petit peu discret, voilà. Donc du coup, je dis tiens, je vais prendre ce nom-là, je m'appelais Jim, et du coup, j'ai pris ce nom-là, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Alors, Andel FM, donc ça a duré, alors si je retiens bien mes fiches, jusqu'en 1988. Oui, ça doit être ça, parce qu'après ça a été repris un petit peu par une autre personne qui a créé une autre radio qui s'appelait News FM. Et bon, il y avait trop de problèmes d'argent et du coup ça a été liquidé. D'accord, donc nous sommes en 1988, donc Andel FM c'est terminé. Et alors, par la suite, qu'est-ce qui se passe ? Oula, par la suite, déjà, j'ai eu une longue période sans radio, à faire des petits boulots, des choses comme ça, de l'intérim et plein de petites choses. Mais j'allais aussi toujours dans les radios. J'avais, à l'époque, il y avait pas mal de radios de catégorie C actuellement, donc style nostalgie, des choses comme ça, qui faisaient des programmes locaux, déjà. Voilà, faut préciser à nos auditeurs, catégorie C, il s'agit de radios nationales, de réseau national, avec un décrochage local. Exactement. Donc, du coup, ces radios-là avaient besoin de personnel dans certaines villes pour passer les pubs. Donc c'était quelqu'un qui était derrière la console de mixage et qui passait des pubs tout au long de la journée. Et moi j'avais un copain qui faisait ça, donc j'allais voir de temps en temps. J'allais voir d'autres copains qui étaient animateurs dans d'autres radios. Enfin voilà, j'ai resté un peu dans ce milieu. Mais j'avais pas de micro, donc je continuais à faire des petits boulots à l'intérim. Et puis après, bah voilà, il y a eu un casting qui a été réalisé par une grosse radio commerciale de Rouen qui s'appelait RVS. Et de là, voilà, j'ai passé le casting et ensuite on m'a embauché. Alors RVS, ça c'était en 1991. Exact. Alors, juste avant RVS, moi j'avais noté qu'il y a eu un passage par Laser FM. Ah oui, je suis passé par Laser FM, qui était une petite radio locale dans la banlieue de Rouen. Et là, je faisais les infos, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'était comme ça. Ah. Ça là, s'est présenté comme ça. Là, une graine de journalisme ne s'est pas réveillée. Voilà, c'est ça, ça m'a pas franchement plu. Et en fait, ça s'appelait Laser FM, cette radio, parce que tout simplement, à l'époque, c'était assez révolutionnaire, elle ne diffusait que des CD. Voilà, c'était une radio faite à 100% avec des CD, et du coup, bon, ça s'appelait Laser FM, qui après a été refusé par le CSA, je crois que c'était encore là. Oui, c'était peut-être le CSA, peut-être à cette époque. Et donc là encore, fin de l'histoire, la radio a été liquidée. D'accord, donc Laser FM, donc terminé. Terminé. Et donc, direction Rouen, donc comme vous l'aviez dit, RVS, donc nous sommes en 1991. Voilà, en fait, voilà, j'étais justement en pleine période d'intérim, je travaillais pour l'EDF, en fait, très clairement. Je relevais les compteurs chez les clients d'EDF, et j'écoutais la radio forcément dans la voiture, et j'ai entendu qu'il y avait un casting qui était organisé par RVS, et donc du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer, j'y suis allé. J'ai rencontré Vincent Neveu, qui m'a pris un peu en charge, et voilà, Vincent Neveu était un animateur d'RVS, qui présentait la matinale, et qui était très connu des auditeurs rouennais. Et RVS, à l'époque, on va ressortir la grille des programmes de l'époque, puisque en dehors de vous qui faisiez, alors si je ne me plante pas, les nuits. Oui, j'ai fait un peu tout, mais effectivement, ça a commencé par les nuits, parce que chaque nouvel animateur qui arrivait sur RVS faisait ses armes, la nuit. Voilà. Et dans l'équipe, on avait aussi à l'époque quelques noms comme Bruno Gilbert, qui exactement. Est aujourd'hui à Nostalgie. Exact. Ou encore Karl Defray, qui est à RFM maintenant. Exact. Ou encore, alors ça c'est pas mal, Olivier Barou, qui un an après, pour l'anecdote, allait rencontrer un certain Cadmerade sur WeFM, qui allait donner naissance au duo Cadet Olivier. Exactement. Et à l'époque, personne ne pensait qu'aujourd'hui, Olivier Barou cartonnerait avec les Tuches. Ça, c'est vrai. Et pas plus tard qu'hier, j'ai voulu aller voir les Tuches au cinéma et c'était pas possible. Il y avait trop de monde d'ailleurs. Donc, je suis très content pour Olivier. Ça a l'air d'être un gros succès et c'est tant mieux. Mais effectivement, oui, il y avait Olivier Barou aussi, oui. Et alors, cette aventure à RVS, ça a dû être un grand tournant dans votre parcours radiophonique, puisque on passe des petites radios locales associatives que vous citez juste avant à une grosse radio privée régionale de Normandie. Effectivement, bah déjà pour moi, la radio associative, la petite radio de mon village, c'était déjà pour moi énorme. Mais c'est vrai que quand on arrive à intégrer, c'était une grosse radio RVS, hein, c'était la première donc dans toute en région Normandie. Et quand on arrive dans ces locaux, on a quand même déjà une certaine fierté et puis on a accès à du matériel très professionnel, du traitement de son de très haut niveau, de bons micros, etc. Enfin bref, tout pour vraiment bien travailler, des platines disques, parce que c'était encore des disques vinyles à l'époque, qui démarraient vraiment instantanément sans faire de petits démarrages. Donc voilà, non, ça c'était vraiment un moment formidable, quoi. C'était une très très belle radio, une bonne équipe, et voilà, c'était vraiment un très grand moment. Et cette aventure a duré combien de temps à RVS? Deux ans et demi, ou à peine trois ans en tout cas, et ensuite il y a eu un changement de format, on va dire, où le directeur des programmes souhaitait faire un peu plus un format maximum, donc un format dance, et du coup, moi ça s'est pas très bien passé, il m'a demandé de partir gentiment, et après voilà, j'ai fait autre chose. Donc autre chose, toujours à Rouen. Toujours à Rouen. Donc nous sommes en 1993, à peu près. Ouais. Et donc la suite, ça s'est passé où du coup ? Ah bah la suite, ça s'est passé sur le service public pour changer un petit peu. C'était à Radio France, ça s'appelait Radio France Normandie Rouen à l'époque. Maintenant c'est France Bleu Normandie. Et là c'était ma toute première expérience dans le service public, donc avec réalisateur. Voilà, ça n'avait plus rien à voir quoi. C'était un autre apprentissage, mais j'ai beaucoup appris aussi au sein de Radio France. Et c'était encore là aussi parce que dans ce métier quand même on apprend quasiment tous les jours. Donc c'est ça l'avantage de faire ce métier, c'est vraiment très très très très agréable. Et donc Radio France, là je suis resté 3 ans et j'animais les week-ends. D'accord. Comment ça s'est terminé avec Radio France Normandie ? Mais en fait, je voulais toucher à la technique. J'aime bien faire l'animateur, mais il faut absolument que je touche la technique, la réalisation, etc., les boutons sur la console. Et là, à Radio France, c'était pas possible, puisqu'il y a un réalisateur face à soi, donc c'était pas possible. Donc je m'avais demandé à toucher un peu la console et tout ça. On m'avait dit non, c'est pas possible, tu comprends, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Toi, tu restes dans le micro. Bon. Alors après, je me suis dit bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je veux toucher à la technique tout en vraiment réaliser mon émission à 100%, quoi. Donc ben ensuite on s'est quitté bons amis, hein, y a eu aucun souci. Je retrouve un peu une petite histoire avec Vincent Neveu qui était qui m'a pris la radio, on peut le dire, à RVS. Vincent Neveu s'occupait des programmes locaux en province pour Europe 2. Il cherchait un responsable de station, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux t'occuper de la radio Europe 2 à Dijon. J'y suis allé, j'y suis resté un mois parce que ça s'est mal passé. Donc après rechômage et ensuite j'ai rejoint fin de l'année Chérie FM Rouen. Qui était autrefois Radio Passion, j'ai noté ça dans les fiches. Oui, c'est vrai. Donc du coup à Chérie FM, là c'était donc du coup je faisais le programme local de Chérie FM Rouen. À l'époque c'était le soir et c'était les disques à la demande ou dédicaces, ça dépend comment on peut appeler ça. Cette aventure avait duré à peu près. Là j'ai plus trop la date en tête, mais je dirais peut-être 2 ans, 2-3 ans grand maximum, puisque après j'ai envoyé une cassette à RFM. Et là, RFM m'a rappelé, et du coup, là, j'ai commencé à venir sur la capitale. D'accord. Eh bien, on va revenir sur cette nouvelle étape parisienne. Ok. Juste le temps de faire une petite pause musicale avec un premier morceau, Pascal Langlois, que vous avez choisi. Si c'est Prince, oui, avec I Wanna Be Your Lover. Oui. Prince qui était, c'est mon idole, voilà. Donc, forcément, autant vous dire que j'étais très, très malheureux quand il nous a quittés. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore. J'ai vu plusieurs fois en concert et dès que je le passe à RTL2, je suis très content. Prince. I Wanna Be Your Lover sur Fréquence Protestante et dans la mécanique des ondes. C'était Prince, morceau choisi par Pascal Langlois, notre invité aujourd'hui. Ça t'a plu ? Exact. Ça vous a plu? Carrément. À vous tous. Parfait. Écoutez. Magnifique. Ah bah, du Prince, on ne s'en lasse pas. Oui, oui, il savait tout faire en plus, hein, du funk, du rock. Enfin, il était vraiment affolant. Alors, pendant ce temps-là, nous, Pascal, nous avions pris la voiture. On a quitté Rouen pour aller jusqu'à Paris. Oui. Sur la 13, on a fait super vite. Donc, on ouvre la portière et on en descend. Et donc là, on arrive à RFM. Oui, alors je vais vous contredire parce qu'en fait je suis né en train. Oui, en train, en voiture, enfin bon. Et ce que je continue de faire d'ailleurs, je viens toujours en train. Donc là on arrive en train, effectivement, ou en voiture, mais c'est pareil, de toute façon le lieu de rendez-vous était le même, c'était rue François 1er de toute façon, donc ça change pas grand chose. Oui, là arrive l'époque RFM, on était en pleine période de la radio en or, donc pour ceux qui ont connu un format un peu slow, basé sur la détente on va dire, puisque le slogan ça devait être « Aucune radio ne vous détendra jamais autant ». Oui, c'est quelque ça. Chose comme ça. Et donc voilà, donc là c'était, alors là, grosse impression, parce que évidemment quand on rentre dans les locaux de la rue François 1er, les locaux d'Europe 1, etc., RFM et tout ça, donc c'était ouf. Là ça met un petit peu le frisson quand même, on se dit bon, est-ce qu'on va être capable? Donc là je rencontre Hervé Bodoc qui était à l'époque directeur des programmes et qui me dit voilà, votre maquette m'intéresse, est-ce qu'on peut faire un essai une nuit? Bon, ok, donc je fais un essai avec un réalisateur, je le salue au passage, il s'appelle Thierry Legrand, et du coup j'ai fait une nuit, c'était mauvais pour moi, en tout cas je me sentais complètement, mais alors très très mauvais. Donc je me suis dit bon bah c'est foutu. Je suis rentré chez moi, j'étais triste. Je me suis dit bon bah ok, ça il y aura pas de second numéro quoi. Donc voilà, je vais rester sur Rouen et puis on va continuer comme ça. Et puis finalement après le débrief, on m'a rappelé, on m'a dit bah non, écoute, finalement c'est plutôt bien, on voudrait te proposer quelque chose. Donc voilà, après ça s'est engagé et on m'a proposé les nuits sur RFM, qui était un pur bonheur parce que c'était vraiment une très très belle radio à l'époque, de la radio en or. Avec de très belles, de beaux titres qui malheureusement sont quasiment plus diffusés aujourd'hui. Et la nuit, en plus, on faisait un programme spécifique puisque ça s'appelait les trésors des auditeurs. Donc les gens appelaient toute la nuit pour choisir leur titre. Ah, donc c'était pas que du pouce-disque. Là, il y avait vraiment de l'interactivité. Voilà, il y avait un peu d'activité. Bon, il n'y avait pas Internet encore, hein, tout à fait. Mais donc, du coup, c'était que par Minitel. Les demandes étaient par Minitel et par téléphone. Mais c'était étonnant d'avoir des gens comme ça la nuit, puis à la radio, enfin tout le monde le sait, c'est qu'il y a une ambiance particulière la nuit, quoi, avec les auditeurs, entre les auditeurs, les animateurs, tout ça, on n'a pas tout à fait le même lien, quoi. Donc il y a quelque chose de magique la nuit vraiment à la radio, donc c'était vraiment fabuleux. Bon, par contre après, il faut une certaine hygiène de vie, parce que quand on dort pas la nuit, après on faut forcément dormir le jour, et complètement décalé. Et pour moi qui prenais le train en plus, et j'étais pas à Paris, donc c'était un peu compliqué. J'ai perdu pas mal de kilos et là, un peu abîmé ma santé aussi. Mais c'était vraiment un véritable bonheur. Et d'ailleurs, la nuit, du coup, ça ne durera que, si j'ai bien noté, 2 ans. Oui. Puisqu'en 99, oui, oui. Vous passez de la nuit au week-end. Voilà, c'est ça. Déjà, le rythme, là, est un peu plus posé. Le rythme complètement différent. Du coup, la semaine, on est un peu plus reposé et on travaille 2 jours. Donc, effectivement, le week-end, là, c'était pareil. C'était encore la même programmation à cette époque-là. Et puis, on faisait les week-end bis. C'est-à-dire qu'on passait 2 titres d'un même artiste plusieurs fois dans une heure. Et ça, c'est quelque chose qui plaisait beaucoup également, qui aujourd'hui n'existe plus, mais c'était vraiment un beau moment aussi. Bon, effectivement, le week-end, c'était beaucoup plus facile pour moi de venir à Paris que le week-end. Et puis la semaine, je restais en Normandie. Est-ce que vous gardez d'autres souvenirs de cette époque Radio en Or de RFM? Oui, je gardais forcément des gens que j'ai croisés, des gens qui ont disparu aussi, des collègues, un collègue animateur qui s'appelait Christophe Ledoux, à qui je pense là maintenant, voilà, et qui était quelqu'un de super et qui malheureusement est parti un peu, hein, franchement trop tôt. Et puis je pense à Cyril Laporte aussi qui aujourd'hui est sur Chérie FM, d'autres évidemment que je n'ai pas cité, il y a aussi Eric Laforge qui aujourd'hui est à Classique 21. Et puis on faisait aussi des interviews le week-end. On recevait un invité tous les week-ends et il passait le week-end avec nous sur RFM et il choisissait ses titres, il en parlait un peu comme j'ai fait là tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai fait ma rencontre vraiment la plus sympa, c'est avec l'ancien président de Canal+, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais ça va revenir. Pierre Lescure. Voilà, Pierre Lescure, qui était, voilà, ça s'est super bien passé. On pensait voir arriver avec toute une horde de personnes autour de lui, et finalement, non, il est tout seul, à vélo, tranquillement, et c'était vraiment un mec, voilà, vraiment super cool. Et j'ai adoré ce monsieur, quoi. Du coup, c'était vraiment un beau moment. Puis on a eu d'autres interviews. J'ai rencontré Henri Salvador aussi. Je me souviens de cette interview qui s'était très bien passée également, Michel Fugain, etc. Donc RFM m'a permis de rencontrer pas mal de gens comme ça, et puis des gens moins connus, forcément, même pas du tout connus, avec qui je suis encore ami aujourd'hui, quoi. Et donc l'aventure RFM a duré jusqu'en 2004 2004, parce qu'en fait après, c'est l'époque où le groupe Lagardère voulait acquérir MFM. Donc du coup, ils ont fait un peu fait le forcing, ils ont amené MFM dans les locaux de Lagardère rue François 1er, en se disant que le CSA autoriserait tout ça. Et finalement, on a fait un petit peu d'MFM, donc on m'a dit bah tiens, tu vas aller sur MFM, donc ok, allez, on y va. Je faisais l'après-midi, fin d'après-midi, ce qu'on appelle le drive aujourd'hui. Et bon, finalement, le CSA a pas trop adoré, pas trop apprécié le moment où Lagardère a voulu imposer la prise en main d'MFM. On leur a dit vous arrêtez maintenant, et donc moi aussi on m'a dit d'arrêter MFM, et j'ai repris sur RFM un peu, et après ça s'est terminé. D'accord. MFM, pour rappeler aux auditeurs, qui s'appelle aujourd'hui M Radio. Voilà. Et qui, à l'époque, était la propriété de Gérard Louvain. Exactement. Gérard Louvain, Étienne Bougeotte aussi. Et du coup, voilà. Ils voulaient se séparer de la radio. Lagardère avait fait une offre. Du coup, Gérard Louvain a été OK. Mais le CSA a dit non. Donc, Gérard Louvain a gardé sa radio. Il est reparti de la rue François 1er pour aller ensuite près de Radio France, avenue Kennedy. Et MFM, en toute façon, par la suite, a été racheté par un autre groupe. Et du coup, vous êtes passé de RFM à MFM malgré tout après. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé, la transition? Ça s'est fait assez brutalement, parce que moi, quand à la RFM, j'étais en week-end, et un jour, j'ai reçu un courrier, comme tant d'animateurs en reçoivent parfois, me demandant de ne plus venir. Donc du coup, je suis resté chez moi et j'ai compris que c'était fini. Éric Laforge était dans le même cas que moi. Du coup, on a fait ce qu'il fallait pour discuter avec le groupe Lagardère. Et ensuite, après, je connaissais des gens à MFM, je les ai appelés, on s'est vus, et puis voilà, après ça s'est fait comme ça assez facilement, parce que on se connaît tous, hein, dans le milieu, donc c'est assez facile après d'avoir des contacts, de s'appeler, se dire est-ce que t'as des choses à me proposer, est-ce qu'il y a des choses chez toi ou pas. Voilà, donc le milieu est assez petit, assez fermé aussi, faut le reconnaître. Donc voilà, ensuite ça s'est fait sur MFM avec toute une équipe sympa, qui était donc rue avenue Kennedy, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, juste à côté de Radio France. C'est dans les anciens locaux de RFI, en fait, ou à côté, en tout cas, on était dans le même immeuble. Et moi, là, je faisais encore le drive 16h-20h, quelque chose comme ça. Et ça a dû continuer comme ça 2-3 ans aussi. Et voilà, donc c'était plutôt une époque sympa aussi. Bon, la musique un peu différente, là, on était dans une musique plus large, encore plus populaire, mais ça me plaisait bien aussi. D'accord. Donc, et après MFM, du coup, vous avez... alors, si je retrace un petit peu le parcours sur mes fiches, vous avez changé de pays. Oui, effectivement. Alors après, ça s'est arrêté à MFM, comme ça peut arriver, voilà, de temps en temps. On le sait, hein, les contrats, ça se termine, parce que nous, on a des contrats de saison. Je suis toujours en CDD à longueur de saison. Donc voilà, donc les contrats se terminent, on passe à autre chose. Des fois, on a du job, des fois, on n'en a pas. Là, j'en avais pas en France, effectivement... je faisais un peu le joker déjà un petit peu pour RTL2, les nuits, etc., mais vraiment occasionnellement. Et puis le responsable des programmes de l'époque d'RTL2, qui s'appelle Jean-Philippe Denac, me dit écoute, j'ai des amis là-bas à Bruxelles, ils montent une radio, ça appartient un peu à RTL, ils cherchent des gens pour le week-end et tout ça. Bon, je dis pourquoi pas. Bon, par contre, c'était très loin, donc c'était tous les week-ends comme ça, je faisais la route Normandie-Bruxelles pour travailler sur Mint, qui était là aussi encore une très belle radio et vraiment un vrai bonheur. Et bon, malheureusement, je gagnais pas trop ma vie, parce qu'entre les péages, l'essence, les nuits d'hôtel, etc., c'était un peu compliqué, mais c'était malgré tout agréable de travailler sur Mint, qui était un peu la version belge d'RTL2, donc le son pop rock, mais voilà, c'était un peu plus ouvert, parce que la Belgique a moins de quotas de chansons sur leur pays, donc c'était un peu plus ouvert au niveau de la musique, mais c'était très agréable. Alors, juste avant de revenir sur Mint, petite anecdote par rapport à RTL2. Alors là, je fais appel à ma mémoire d'auditeur. Moi, je me rappelle de votre première arrivée sur RTL2. Alors, vous me dites si je me trompe, c'était pendant les fêtes de Noël. Ah, c'est possible. Où vous aviez fait une émission spéciale maxi pop rock. Ah oui, avec des morceaux pop rock en format maxi 45 tours. Voilà. Ah oui, alors je m'en rappelais pas du tout. En plus, j'ai pas la mémoire des chiffres et tout ça, donc les dates, je les perds un peu dans ma petite tête. Mais oui, c'est possible, effectivement. Oui, je faisais donc. C'est vrai que pendant les fêtes, les animateurs se reposent en général, enfin tout le personnel d'ailleurs. Donc du coup, on fait appel à ce qu'on appelle le joker. Et comme j'étais joker à l'époque, effectivement, c'est. Mais maintenant que vous m'en parlez, ça me revient, effectivement. Voilà, donc RTL2, on va y revenir tout à l'heure. Avec juste plaisir. Avant, peut-être un petit retour sur la période Mint. Ouais, alors, ça, je pense que vous voulez savoir, mais sur la période Mint, là, c'était des tranches un peu... Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, parce que la radio ne gagnait pas d'argent, donc il fallait vraiment faire plusieurs sessions. Donc je faisais le matin, le samedi matin, le samedi en fin de journée, le dimanche matin, jusqu'en début d'après-midi. Et après, il fallait que je rentre en France, donc voilà, c'était très très sympa. En plus, c'était une radio qui se lançait, donc du coup, il y avait un vrai challenge. Personne connaissait, il y avait plein de choses à faire, il fallait voilà bien vendre la chose, et c'était vraiment très très belle époque. Il y a eu une durée de vie courte sur la FM aussi à cette époque-là, malheureusement. Oui. Aussi. Oui, c'est un peu la même histoire qu'a connu Maximum par exemple. C'était un peu, il y a eu un peu de politique, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel en tout cas. Je pense qu'il y a eu des histoires comme ça du fait qu'on a dit que Mint a commencé à avoir un peu de succès, ça a dû faire un peu de jalousie. Et puis bon, je pense qu'on s'est occupé de son cas. Et voilà, donc du coup, ça a été vite. On a demandé à Mint d'arrêter tout de suite, quoi. Chose qu'ils ont fait le temps de quelques années, puisque depuis 2 ans, ils ont réactivé la diffusion et les programmes. Alors ils ont réactivé Mint, mais pour l'instant un peu que sur le web, c'est du digital. En attente de fréquences FM, de vraies fréquences disponibles, je pense qu'ils vont au prochain appel à candidature, comme on dit, je pense que Mint évidemment, puisque c'est toujours le groupe RTL, donc je pense qu'ils vont demander des fréquences, et des vraies fréquences cette fois, à temps plein, et de bonnes fréquences avec des émetteurs puissants, je pense. D'accord. Nous allons quitter la Belgique pour retourner au 22 rue Bayard, donc l'adresse d'RTL2, enfin... Plus maintenant, puisque maintenant vous avez déménagé à Neuilly. Donc on va dire malheureusement l'ancienne adresse d'RTL2. Je dis malheureusement parce qu'il y a une telle histoire dans cette adresse, 22 rue Bayard. Que, bon, évidemment, quand on change de locaux, tout ça, ça perturbe un petit peu. Mais effectivement, oui, c'était le 22 rue Bayard. Là, c'était déjà quand on y pénètre. Je pense que vous y êtes déjà allé, Eddy. Donc voilà, il se passe quelque chose. Quoi. Il y a une certaine fierté. On est fier d'être dans ces locaux. La rue Bayard, c'est quand même une adresse de légende. Quoi. Donc quand on y rentre, ouais, pour travailler, on est très fiers. Sans compter la fameuse façade Vasarely, voilà. Qui est une institution. Il l'était en tout cas. Oui, qui l'a été, oui. J'ai vu le démontage. Je suis passé devant, j'ai dû rester un quart d'heure devant, je n'arrivais pas à décoller. Ah, c'était triste. On peut dire que c'était triste, effectivement. Bon, mais la façade en elle-même va revivre, hein, parce qu'elle est partie au musée Vasarely dans le sud. Oui. Donc, voilà, elle n'a pas été détruite par bonheur, d'ailleurs. Et puisqu'on parle d'institution, justement, institution musicale, allons-y. Ça, c'est votre deuxième choix, Pascal Langlois, c'est Michael Jackson. Oui, Michael Jackson. Alors, on va dire, c'est que des morts, mais j'y peux rien. C'est vraiment les artistes que j'adore, Prince et Michael Jackson. On a souvent dit qu'ils étaient un peu ennemis, ce qui était complètement faux d'ailleurs. Et donc Michael Jackson, j'adore ce qu'il a fait, même quand il était avec ses frères. Là, on va écouter si c'est le bon titre, Man in the Mirror. C'est ça. I'm gonna make a change. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Change his ways. On avait le prince de la pop tout à l'heure. Là, on a le king of the pop, Michael Jackson, choisi par Pascal Langlois avec ce morceau magnifique, Man in the Mirror. Beau morceau, mais le choix était difficile. Il y en a tellement de, des bons que celui-là, bon, celui-là, je l'aime bien et on le passe sur RTL de temps en temps. Donc voilà, ça me fait plaisir de réentendre avec vous. Et RTL 2, justement, donc on y vient. Ouais. Donc on en a parlé juste avant. Donc vous êtes actuellement aux après-midi de la station, mais on vous entend pas partout. C'est ça la magie de la radio. Effectivement, je suis entre midi et 16h. Mais sur certaines villes, certains animateurs font leur programme local, donc sur des fréquences de catégorie C dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, sur certaines villes comme Marseille par exemple, ou voilà, ou Montpellier, là il y a des animateurs locaux qui font leur programme en même temps que moi. Donc ce qui explique qu'on m'entend sur certaines villes, mais pas sur d'autres. Même chose sur Paris d'ailleurs, puisque sur Paris il y a un programme spécifique, et là c'est Carole Vega qui fait l'émission entre midi et 16h, et moi on ne m'entend que sur les villes, sur les fréquences dites D, donc programme national sans décrochage local. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire, donc nos auditeurs parisiens, si vous voulez écouter Pascal Langlois en pleine action, donc rendez-vous sur internet. Voilà, c'est ça, parce que, et encore sans géolocalisation. Il y a aussi ce problème, puisque maintenant la géolocalisation nous permet de savoir d'où vous nous écoutez, et du coup on s'adapte à votre endroit. Si vous êtes sur Montpellier, vous entendrez le programme local de Montpellier. Et parce qu'on est justement dans l'actualité, donc l'occasion de revenir là-dessus, donc le déménagement de RTL, tout groupe. C'est tout frais, ouais. Parce que maintenant vous êtes à une nouvelle adresse à Neuilly-sur-Seine, donc près du siège du groupe M6. Exactement, on est au 56 avenue Charles de Gaulle, en face M6, de l'autre côté du trottoir. Et comment ça s'est passé ce déménagement alors? D'abord il a fallu se former parce qu'on a un nouveau logiciel aussi de diffusion et tout ça, donc il a fallu qu'on se forme, tout le monde. On a commencé par un collègue et moi-même, on appelle ça des super users puisqu'on a changé de logiciel. Maintenant on est sur, pour les connaisseurs, on est sur Dira, qui est un logiciel allemand et qui équipe la BBC actuellement, tous les postes de la BBC et des radios en Allemagne également, puisque c'est une société allemande qui gère ce logiciel. Donc il a fallu se former et puis ensuite former mes collègues animateurs. Donc ça a pris pas mal de temps, une bonne partie du mois de novembre on va dire, décembre aussi, et puis nous on a déménagé début janvier. Ça n'a pas été trop dur? C'est toujours un peu perturbant quoi, de changer de matériel déjà, parce que ça, du coup on crée quelques pains comme on dit, enfin en tout cas quelques soucis techniques à l'antenne, donc bon, ça c'est pas toujours très agréable, moi je déteste avoir un problème technique. Bon, après il a fallu s'adapter à ce logiciel, les nouveaux locaux aussi, il faut s'adapter, ça perturbe toujours, même quand déjà dans notre vie privée quand on déménage, ça nous perturbe un peu, donc dans le milieu professionnel c'est pareil, mais on a la chance d'avoir de très beaux locaux, du nouveau matériel, tout est neuf, voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions quoi. C'est une page qui se tourne pour en écrire une nouvelle, on dira. On va dire ça. Et puis bon, ça faisait longtemps qu'RTL, le groupe RTL était à rue Bayer, hein, comme chacun sait. Donc bon, là, c'est vrai que c'est une grande page qui se tourne, même si RTL n'est toujours pas arrivé à Neuilly, mais ça va se faire dans le courant du mois de mars, peut-être à la fin mars aussi. Donc voilà, pour l'instant, il y a nous qui sommes arrivés là, RTL 2, et Fun était à Neuilly un mois avant nous. Alors du coup, cette manière de travailler, ce fonctionnement et même la technique, tout ça, ça a dû vous changer par rapport à vos premières années sur Andel FM. Oui, parce que... En tant que Jim. Je crois que vous avez bien retenu le nom, c'est parfait. C'est vrai qu'à l'époque, on avait le fameux disque vinyle, tout ça, des cassettes aussi. On passait des jingles sur les cassettes, tout ça. Et qu'aujourd'hui, on est évidemment sur du numérique maintenant. Et c'est pour ça qu'on a changé de matériel aussi, parce que maintenant, on est 100% numérique et il faut suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Donc maintenant, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, dans DLFM, oui, on a eu, c'était vraiment, c'est une autre époque. C'est impressionnant de voir un petit peu comment tout ça a évolué quand même, parce que avant, il fallait sortir les disques, il fallait sortir des piles de disques et sortir des piles de cassettes pour les pubs et tout ça. Maintenant, tout ça est géré par ordinateur. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile maintenant. J'imagine le gros stress quand on n'avait pas la bonne cassette ou le bon vinyle sous la main. C'était... Et puis surtout, on avait toujours ce problème de démarrage de disque, même si après les platines disques ont bien évolué, mais on avait toujours ce problème. Il fallait vraiment caler le disque longtemps en avance, quoi, parce qu'on avait toujours du mal à le lancer correctement. C'était pas propre. Enfin bon, c'était vraiment le début de la radio, quoi. Enfin, ça faisait partie du charme aussi. Oui, c'est ça. Si c'était à refaire aujourd'hui, pourquoi pas? Oui, on referait évidemment avec plaisir. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. La mécanique des ondes. Pascal Langlois, nous allons passer maintenant à une petite série de questions, commencer par un des rituels de cette émission que j'ai décidé de baptiser la question capsule. C'est comme une capsule temporelle, en fait, où d'habitude on met des objets et qu'on enterre pour l'ouvrir dans le futur, un siècle plus tard, par exemple. Donc, là, on est un peu plus court dans le temps. Là, c'est une question que l'invité de l'émission précédente pose à l'invité actuel, donc vous, en l'occurrence. Donc, la dernière fois, nous avions eu Florian, actuellement d'Ado. Sur Latina et ancienne voix de Ado, qui avait une question pour vous et qu'on écoute tout de suite. Alors Pascal, je sais que ça fait très longtemps que vous êtes sur la bande FM et j'imagine que vous êtes aussi un passionné de radio de longue date, donc j'aimerais savoir vraiment ce que vous écoutiez à la radio quand vous étiez jeune et les programmes qui vous ont donné envie d'en faire. Donc, alors, on a déjà un petit bout de réponse tout à l'heure avec Max Meynier, mais je suppose qu'il y en avait eu beaucoup d'autres. Oui, il y a forcément eu des radios. Il n'y avait pas beaucoup de musique à l'époque sur les radios, ça parlait beaucoup quand même. Hein, mais moi, je me souviens de... C'est-à-dire que pour moi, la radio, quand j'écoutais la radio avec mes parents dans la voiture, par exemple, et que, par exemple, il y avait un chanteur, je ne sais pas, Michel Delpech, parce que je pense à lui, là, je me souviens de l'avoir écouté, je pensais que l'animateur, le chanteur était dans le studio. Et qui chantait en direct à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'on entendait sa chanson, je dis, tiens, Michel Delpech est dans tel studio, machin. Et voilà. Donc ça, ça m'a suivi longtemps. Et après, on m'a expliqué que non, c'était des disques et tout ça. Donc il y avait jamais d'artiste qui chantait en direct à la radio. Donc ça était un grand moment pour moi. Ensuite, j'ai écouté? Bah, beaucoup, donc la radio locale de mon village, parce que c'est elle qui m'a inspiré, c'est elle qui m'a donné envie. Et puis là, c'était musical, puisque toutes les nouvelles radios qui se créait, allait contrebalancer les périphériques. Et là, il diffusait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Donc, j'ai découvert aussi pas mal d'artistes, pas mal de musique. Le funk, notamment, c'est ce qui m'a ouvert au funk. Parce que je suis pas trop hard rock et tout ça. Je suis plus rock actuellement, mais j'ai aussi beaucoup écouté de funk. Donc, c'est cette radio-là, Andel FM, qui m'a ouvert à tout ça. Après, il y a eu plein d'autres émissions. Mon père passait de l'accordéon, donc évidemment, j'ai goûté un peu de ça. Donc, bon. Et puis aussi, des nouveaux artistes, hein, parce qu'il y avait Étienne Daho, tout ça, qui commençait à percer. Des choses comme ça, quoi. Ça m'a ouvert pas mal de choses, quoi. D'accord. Nous poursuivons tout de suite donc avec une petite série de questions. Attention, alors, soyez concentrés. Alors, c'est un invité de la dernière fois ou c'est vous? Ah non, là, c'est moi. C'est le questionnaire rapide de la mécanique des ondes. D'accord, ok. Alors, Pascal Langlois, bon, là, je pense celle-ci, j'ai déjà un petit peu la réponse, mais une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Ouh là là, qui pourrait être mon modèle? Une personne vivante, on est d'accord? L'un ou l'autre. D'accord, n'importe. Ok. Qu'est-ce que je Nagui. Alors là, c'est vraiment quelqu'un que j'adore et que j'apprécie parce que je trouve très très très bon en radio, autant à la télé aussi d'ailleurs, mais je l'apprécie plus à la radio. Nagui, j'aime beaucoup ce monsieur. Je l'ai jamais rencontré, on se connaît pas du tout évidemment, mais voilà, ça c'est quelqu'un qui me fait vraiment qui me fait rêver, quoi. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Ben RTL, je pense, puisque voilà, quand j'étais enfant, je l'ai dit tout à l'heure, au tout début de l'émission, j'écoutais beaucoup RTL avec mes parents, enfin c'est surtout mes parents qui l'écoutaient, et moi du coup, en fait, je l'écoutais aussi, quoi. Quelle radio vous réveille le matin? Ben RTL 2, en plus, sur Radio Réveil, je mets RTL 2, comme ça je sais à peu près quelle heure il est, comme je connais un peu l'horloge, enfin, comment dire, l'horloge, la comment se passe, voilà, le conducteur de l'émission en cours, donc voilà, je sais quelle heure il est, je sais que je suis pas en retard, etc. Donc c'est le double expresso avec Grégory Hacher et Justine Salmon sur RTL 2. Quelle radio vous endort le soir? Quelle radio? Alors je m'endors avec un camarade, Guillaume Aubert, qui est sur Nostalgie et qui joue des titres des années 80. Voilà, ça me rappelle forcément le début de la radio et je sais qu'il passe beaucoup de titres des années 80 tous les soirs. Ouais, donc c'est Guillaume qui m'endort, si on peut dire. En vous rappelant le début, vos exactement, débuts, ça me rappelle beaucoup de choses, ouais. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Un endroit, bah la voiture, tout le temps, la maison aussi d'ailleurs, mais souvent dans la voiture, un peu comme tout le monde, hein, la radio est très écoutée dans les voitures, donc moi je suis un peu comme tout le monde, j'écoute la radio dans la voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Les toilettes. Votre meilleur souvenir de radio? Meilleur souvenir de radio, ma toute première émission sur Andel FM, voilà, c'était un grand moment. Mais à chaque fois, les premières, en fait, aussi, la première sur RVS, que c'était une grande radio professionnelle, donc évidemment, on accède à autre chose que la radio associative, la petite radio associative. Donc voilà, ça aussi, c'était un grand moment. Et puis mon arrivée à RTL2, enfin toutes les radios que j'ai pu. Chaque première, c'était vraiment un grand événement pour moi. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, c'est quand il y a des problèmes techniques. Hein, c'est vraiment une hantise quand il y a un blanc, quand il y a une panne, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et ça, c'est le. Moi, je fais toujours le même cauchemar en fait. C'est que je dois aller dans une radio travailler, mais je n'y arrive jamais. Je fais toujours le même cauchemar. C'est-à-dire que je sais que je dois prendre ce chemin-là. Il faut que je me dépêche parce que je prends l'antenne dans 5 minutes. Et j'y arrive jamais. Je sais pas ce que moi expliquer ça. Si un jour on peut m'expliquer ça. Mais je fais toujours ce cauchemar-là. J'arrive jamais à rejoindre le studio de la radio pour être à l'heure. Je sais pas pourquoi. Le stress du direct, en plus. Oui, voilà, je sais pas. C'est peut-être le stress du direct ou peut-être quelqu'un un jour pourra m'expliquer. Et enfin, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio. Eh ben, surtout déjà y aller frapper des portes des radios associatives, parce que c'est là où on apprend vraiment le plus le métier, et puis ça permet de entre guillemets bouffer du micro, comme on dit, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je pense que les radios associatives en France, voilà, ça c'est une très très bonne porte d'entrée. Malheureusement, on a un petit peu tendance à les perdre, nos radios associatives, parce que voilà, le problème d'argent, il y a plus beaucoup d'aide, il faut reconnaître que les aides sont de plus en plus compliquées à obtenir, mais allez-y, allez frapper la porte de votre radio locale près de chez vous ou à quelques kilomètres, mais en tout cas allez voir les radios associatives ou même les radios de catégorie B, hein, parce que donc des radios commerciales régionales, il y en a qui ouvrent leurs portes facilement. Et c'est bien connu, c'est la meilleure des écoles. Exactement. Merci Pascal Langlois d'être venu dans cette mécanique des ondes, merci, c'était un plaisir. Merci à vous et merci à Fréquence Protestante. Et nous retrouvons nous le mois prochain avec un nouvel invité radiophonique. D'ici là, n'oubliez pas, l'émission est à retrouver en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur lamecaniquedesondes.com.